Après avoir établi les droits qu'ont les femmes à la culture intellectuelle, Mgr Dupanloup déclare que ces droits sont aussi des devoirs, et que ce n'est pas en vain que la femme a reçu de Dieu une âme immatérielle. Et Dieu n'a pas plus fait les âmes de femmes que les âmes d'hommes, pour être des terres stériles ou malsaines. Quand la terre n'est pas cultivée, l'ivraie étouffe le bon grain. Alors, avec une sévérité vraiment épiscopale, le saint pontife rappelle que la parabole du talent multiplié regarde la femme aussi bien que l'homme, et qu'au jour du jugement, Dieu lui demandera compte, à elle aussi, du dépôt que lui a fait la Providence. C'est précisément parce que le travail intellectuel est pour elle un devoir que la privation en devient une souffrance, un péril. Comme dans l'homme, Dieu a allumé dans sa compagne le feu d'une vie immortelle. Si vous ne dirigez pas cette flamme en haut, elle dévorera sur la terre les aliments les plus grossiers. Qui ne sait que la sensibilité et l'imagination sont très développées, particulièrement chez les femmes, et c'est par le besoin profond de ces facultés qu'elles ont l'instinct de faire de leur vie autre chose qu'un sacrifice perpétuel aux aveugles préjugés du monde. Et voilà précisément pourquoi on doit cultiver, éclairer, par la raison, par de sages conseils, et gouverner par l'instruction solide ces facultés si vives. Il leur faut, comme elles disent parfois, déployer leurs ailes, et sous peine de souffrir, s'élever de temps en temps au-dessus des intérêts matériels de la vie. Si vous voulez lutter violemment contre tels élans, vous ne réussirez pas. Les diriger, voilà ce qu'il faut, et non les étouffer. La sensibilité et l'imagination sont deux flammes qui, une fois allumées, ne périssent pas. Elles semblent quelquefois céder en frémissant, mais ne vous y fiez pas. Le feu sacré est le plus dangereux de tous. Elles reparaîtront bientôt menaçantes, ennemies mortelles peut-être de la paix du cœur et des devoirs austères du foyer. Il fallait en faire non des ennemis, mais des alliés. Négliger l'intelligence de la femme, c'est établir une lacune dans le plan divin qui a assigné à la femme la place qu'elle doit occuper. Mais quelle est cette place à laquelle elle ne saurait manquer sans causer un grave désordre dans sa propre vie et dans la vie de l'humanité? L'évêque d'Orléans va nous le dire. C'est à la Genèse, c'est au livre Sapientio, que le vénéré prélat demande ici le secret de Dieu. Mgr d'Orléans déroule dans sa rayonnante et sereine majesté le tableau de la création. L'homme souffrant d'être seul, même en conversant avec les anges, avec Dieu, le Seigneur lui donnant la compagne, semblable à lui, qui seul pouvait compléter son existence. Et pour cela, Dieu ne prenant plus, comme pour la création de l'homme, un vil limon, mais un ossement choisi, tout près du cœur de l'homme, Dieu animant du même souffle divin que l'homme cette nouvelle créature, et après l'avoir édifié comme le chef-d'œuvre de sa puissance et de son amour, présentant à la tendresse et au respect de l'homme celle en qui Adam reconnaît avec transport l'os de ses os et la chair de sa chair. Formé par la délicate opération de Dieu, et d'une nature et d'un corps qui était déjà le temple de l'Esprit Saint, elle devra à cette origine plus noble, comme une spiritualité plus grande, moins de propension que l'homme aux satisfactions matérielles, et plus de facilité à s'élever vers l'idéal et vers l'infini. Elle est dans les choses du cœur plus élevée. Elle est, si je puis dire ainsi, plus âme que l'homme. Je voudrais pouvoir citer l'admirable portrait que notre grand évêque trace de la femme d'après la Genèse et les livres Sapientio, qu'il commente ici avec les inspirations les plus suaves et les plus vivantes de ce génie qui en lui ne se séparait point de la sainteté. Jamais plus complet hommage ne fut rendu à la femme, à la religieuse mission de la fille de Dieu, au dévouement de l'épouse, à l'incomparable sollicitude de la mère, à la souriante dignité de la reine du foyer. Jamais plume ne sut mieux dépeindre la femme dans sa douce et touchante beauté, dans sa grâce aérienne et chaste, dans la délicatesse de ses sentiments, et au-dessus de tout, dans cette piété angélique et tendre qui la transporte si naturellement au plus haut sommet de l'amour divin, et illumine et épure dans son cœur les saintes affections d'ici-bas. Nul n'a compris avec plus d'émotion cette ardente charité, ce dévouement intrépide qui donne à la femme, pour tous ceux qui souffrent, un cœur de mère ou de sœur. Nul n'a admiré avec plus de respect cette énergie morale, qui malgré la faiblesse physique de la femme, la rend souvent plus courageuse que l'homme, et qui, à l'heure des communes épreuves, lui donne, toute brisée qu'elle soit, par la douleur, la force de se tenir debout auprès de l'homme, pour la soutenir. qu'il lui est facile de remplir une mission consolatrice à elle qui sait si bien s'appuyer sur la foi, s'élever sur les ailes de l'espérance sainte, se nourrir du feu de la charité. Voilà pour le cœur. Quant à l'intelligence, l'évêque d'Orléans, le grand éducateur, surprend dans la femme des coups d'œil, des coups d'aile, qui lui font rapidement atteindre des hauteurs où l'homme ne parvient qu'avec difficulté par le raisonnement. Et ce n'est pas seulement par une merveilleuse délicatesse d'intuition, c'est par l'élan, par l'enthousiasme que la femme arrive à la plus haute lumière intellectuelle. Telle est la femme, telle est la compagne de l'homme et la mère de ses enfants. Et c'est surtout parce qu'elle doit transmettre ses qualités à ses enfants que l'évêque ne veut pas que cette grandeur d'âme, cette délicatesse de cœur, cette intuition de l'intelligence demeure stérile, et que la faiblesse organique de la femme subsiste seule en elle. Il faut que les facultés de la femme soient pleinement développées selon le plan divin, et ici le Saint-Évêque s'élève avec force contre cette piété mal entendue qui, au lieu de se borner à détruire dans l'humanité ce qui est nuisible, voudrait aussi étouffer ce qui est utile. On ne supprime pas impunément les dons de Dieu, et les éducations comprimées produisent ces natures éteintes dont l'évêque a parlé plus haut, avec une saisissante énergie et une douloureuse pitié. Plus que dans les grands hôtels, où trop souvent les distractions du monde s'opposent aux sérieuses études, c'est au troisième étage que l'évêque a rencontré la femme fidèle au plan divin. Il a vu là de jeunes filles, de jeunes femmes dont l'intelligence est l'honneur, le trésor de la famille. Il a vu là aussi des mères vraiment dignes de ce nom, des mères noblement jalouses de transmettre à leurs enfants la foi et l'honneur, qui au besoin font mépriser et sacrifier les biens de la fortune. Des mères qui prédisent à l'éducation de leurs fils, font elles-mêmes l'éducation de leurs filles, et après des journées laborieusement remplies, attendent le retour du chef de famille, qui rentrant de ses occupations journalières, se reposera de ses travaux, dans la douce causerie de sa femme, dans les jeux de ses enfants, et la gaieté du foyer. Quand l'évêque demande que toutes les facultés de la femme soient développées, sans doute il a surtout en vue les femmes des classes aisées. Mais il n'oublie pas les femmes des classes populaires. Un peuple bon, honnête, chrétien, dit-il, est comme la base granitique d'une nation. Les classes populaires sont les premières et fortes assises sur lesquelles tout repose. De même que dans les couches profondes du sol circulent quelquefois de puissants fleuves, qui ne jaillissent pas toujours à la surface, mais promènent partout où ils passent la fécondité de la vie. De même dans les familles populaires chrétiennes, Dieu a déposé, comme de grands courants, de merveilleux trésors d'humbles vertus qui sont ce qu'un pays a de plus vital et de plus précieux. Tant que ces trésors se conservent et que la corruption n'a pas pénétré là, quand même elle aurait déjà entamé les extrémités élevées, les classes riches, rien n'est désespéré pour un pays. Tant que le sang du peuple est simple et pur, il peut infuser dans les veines du corps social, régénérer encore une société. Mais si ces sources mêmes de la vie nationale étaient gâtées, aussi et corrompues, ce serait dans un peuple la décadence irrémédiable, la décomposition certaine et prochaine. S'élevant contre le terme de classe privilégiée, qui semble ne faire résider le bonheur que parmi les riches de la terre, Monseigneur d'Orléans nous rappelle que l'ouvrier ou le paysan chrétien, qui peut par le travail lutter victorieusement contre la pauvreté, goûte dans sa famille les joies les plus pures et les plus vives. L'évêque voit Dieu même s'asseoir à cet humble foyer, et c'est avec une religieuse émotion que l'illustre prélat a souvent contemplé ce spectacle dans les montagnes de sa chère Savoie et dans les campagnes de son diocèse. Mais pour que Dieu règne sous ce toit, il faut que la femme sache soigner et garder la maison. Il faut qu'une bonne et religieuse éducation, qu'une instruction appropriée à son état, la prépare à sa rude, douloureuse et bienfaisante mission d'épouse et de mère. Et quand elle est bien remplie, cette mission, le grand évêque s'incline, avec un respect infini, devant l'humble et laborieuse femme du peuple, et il l'élève bien haut au-dessus de la femme du monde inoccupée, frivole, qui non seulement n'est pas utile comme celle-là, mais devient nuisible à elle-même et aux autres. Cependant, si la femme honnête et active est pour le paysan ou l'ouvrier le soutien et l'honneur de la vie, quel fléau est pour cet homme la femme paresseuse et insouciante, qui par son défaut d'ordre et d'économie amène la ruine de la famille. Dans toute condition, il faut éviter le désœuvrement, et loin de nuire au devoir de la maîtresse de la maison, le travail intellectuel aide à les remplir. La pitié seule n'y suffit point. Et si elle n'a pour base une solide instruction religieuse? La pitié seule n'y suffit point si elle n'a pas pour base une solide instruction religieuse. L'étude éclairera la raison, forme le jugement, fait disparaître les goûts futiles, et par la peine qu'elle coûte et les habitudes qu'elle impose, fortifie le caractère et imprime à la vie cette régularité sans laquelle l'existence n'est qu'un rêve, et souvent un mauvais rêve. La femme instruite et sensée devient pour son mari une sage conseillère qu'il estime, et pour ses enfants un guide qu'il vénère. Mais il faut alors que l'instruction qu'elle a reçue ait plus affermi sa raison qu'orné son intelligence. La femme appliquée, studieuse, exercera de nos jours plus qu'une influence domestique, une influence sociale, et ce ne sera pas seulement comme mère éducatrice. Au lieu d'encourager son mari à l'oisiveté, comme le font trop de femmes aujourd'hui, elle le poussera vers les nobles carrières, qui lui permettront d'être utile à la patrie, à la religion. Le travail est une loi divine pour tous. Par la sentence de l'Éden, le riche y est soumis comme le pauvre. Et aujourd'hui que le socialisme est l'une de nos plaies, l'évêque fait remarquer combien l'exemple du travail, exemple donné par les hautes classes, sera bienfaisant pour l'ouvrier. Celui-ci peut regarder avec une haine envieuse l'oisif qui jouit de tout sans se donner la peine de rien, tandis que lui, courbé sur une rude tâche, gagne à la sueur de son front le pain quotidien. Mais il considérera d'un œil plus bienveillant l'homme qui ne se croit pas dispensé du travail par sa fortune. C'est aux femmes qu'il appartient de réhabiliter le travail, dit l'évêque, qui ajoute « En cela, comme en toute chose, il faut que l'exemple vienne de haut, car en cela, comme en religion et en morale, les hautes classes doivent à la société et à la patrie une expiation. Le XVIIIe siècle, avec sa corruption, ses scandales, son irreligion, pèse encore sur nous de tout le poids d'un satanique héritage. Comme le péché originel, ses fautes ont été lavées dans le sang. C'est l'histoire de tous les grands égarements. Mais il reste à expier le désœuvrement, l'inaction, l'inutilité, l'annihilation auxquelles on s'est voué et dont on a donné le funeste exemple. Monseigneur d'Orléans conseille particulièrement aux femmes d'aider leurs maris dans les exploitations agricoles. Pour cela, il faudra qu'elles aient le courage de sacrifier à une existence aussi austère que douce les plaisirs mondains, si enivrants mais si amers. Aujourd'hui qu'un courant malsain entraîne vers les villes les populations rurales, il est plus que jamais utile que les châtelains, demeurant au milieu des paysans et dirigeant leurs travaux champêtres, leur enseignent, par ce grand exemple, que rien n'honore plus l'homme que la culture de la terre, et que la charrue forme avec la croix et l'épée le plus glorieux symbole d'une nation. L'épée, naguère, c'était les femmes qui en armaient elles-mêmes leurs fiancés, leurs époux. Aujourd'hui, ce sont elles qui, souvent, les en désarment. Et cependant, c'est aujourd'hui surtout que l'honneur de la France a besoin d'être gardé par de vaillantes mains. L'évêque adjure les jeunes filles et leurs familles de ne plus exiger qu'un fiancé quitte le service militaire, que la femme s'honore d'être la compagne d'un officier français, qu'elle le suive dans les villes de garnison. Et si le danger de la patrie l'appelle à la frontière menacée, ou si, marin, il doit s'exposer au péril d'une traversée lointaine, qu'elle sache souffrir les angoisses de la séparation, et qu'elle attende ce retour dont bien des femmes ont retracé à notre évêque les ineffables joies. Tandis que par sa propre activité et par ses généreux conseils, la femme donnera à son mari l'impulsion des travaux utiles et ne lui fera pas perdre le goût des nobles carrières, elle aura aussi appris par l'étude à faire tomber de sa douce voix les préjugés qui à son foyer peuvent s'élever contre la religion. Souffrir, se taire ou s'irriter, c'est là en général tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui quand elle voit attaquer autour d'elle ses plus chères croyances. En devenant pour son mari une compagne avec laquelle il sera en pleine communauté intellectuelle, la femme studieuse le détournera de ses clubs où trop souvent l'ennui de vivre avec une femme frivole pousse bien des hommes. Ainsi, chez les Athéniens, l'ignorance de la femme honnête préparait le règne de la courtisane lettrée. La femme studieuse retiendra aussi près d'elle, par le charme d'une conversation attachante, les amis de sa famille, qui désertent ses salons sans vie ou ne s'échangent que des paroles vaines. Quelle influence sociale peut exercer alors une maîtresse de maison, qui saurait faire circuler autour d'elle un courant d'idées élevées, de sentiments généreux? On verrait revivre nos salons français d'autrefois avec leurs conversations exquises. la littérature, les arts, redeviendraient les manifestations du beau, dans ce que ce principe a de plus grand, de plus pur, de plus délicat. Que de force le matérialisme perdrait ainsi dans la vie morale, intellectuelle et artistique de notre pays. C'est ainsi que, par la femme, une nation redevient laborieuse, croyante et vraiment forte, grande et glorieuse. Telle est, outre sa mission domestique, la mission sociale réservée à la femme d'après le plan divin que lui retrace l'évêque d'Orléans. Mais par quels moyens préparera-t-on la jeune fille à remplir sa place dans le plan divin? Quels sont les principes supérieurs qui illumineront pour elle cette instruction dans laquelle elle ne voit qu'une suite de faits et de dates? Ces principes supérieurs peuvent être ramenés à un seul, la raison éclairée par la foi. Ce principe, qui substituera à la faiblesse naturelle de la femme la force morale, dirigera sûrement les élans de son intelligence et réglera les mouvements de son cœur. La réflexion dominera l'impressionnabilité. La pitié solide, agissante, remplacera la dévotion superficielle. Ainsi réglée, la vie de l'âme n'en sera que plus puissante. « Il faut un seul granitique, me disait un jour l'évêque d'Orléans, ce qui n'empêche pas le regard d'embrasser le plus vaste horizon. » Mais pour que la mère ou l'institutrice puisse imprimer une pareille direction à ses élèves, elle doit l'avoir suivie elle-même. Il faut qu'elle possède la vraie lumière intellectuelle. Si elle ne l'a pas encore, qu'elle l'acquiert. L'évêque rappelle éloquemment aux femmes que la lumière du monde, c'est Dieu même, et qu'en allant à cette lumière, c'est à leur divin maître qu'elles iront. Et pour les guider vers Dieu, cette lumière est aussi en elle-même. Avec saint Thomas d'Aquin, Monseigneur d'Orléans leur enseigne que la vraie raison est en nous, comme la foi une participation de la lumière divine, une impression sublime de l'éternelle lumière, l'illumination même de Dieu. Après avoir ainsi développé en elle le fond divin, le fond éternel, que Dieu a mis dans la femme, la mère ou l'institutrice saura donner pour base à l'éducation de son élève la raison dirigée par la foi. Cette base, il faut la poser dès l'enfance. Il faut habituer la petite fille à connaître et à pratiquer le devoir, et ne rien lui ordonner qu'au nom des commandements de Dieu. L'évêque souhaite aussi qu'au lieu de s'abaisser par un langage enfantin au niveau de ses petites intelligences, on les élève jusqu'à soi par un langage simple sans doute, mais noble. Les enfants comprennent. Dans sa carrière de catéchiste, Monseigneur d'Orléans l'a souvent expérimenté. Ce père des âmes savait que pour l'enfant comme pour l'homme du peuple, une parole grande et vraie est l'aimant qui attire les âmes. Et à ce contact magnétique, celle-ci, s'éveillant ou se réveillant, s'écrie « Atsumus, nous voici !» Les âmes d'enfants, ces âmes encore dans l'innocence baptismale, sont si promptes à reconnaître dans ce qui est beau et bon le Créateur qui vient de les mettre à la lumière. Les petites filles surtout, l'évêque le remarque, ont la passion du sublime, parce que leur esprit est plus angélique que celui des petits garçons. Qu'on alimente donc dans ces jeunes âmes cette passion généreuse, qu'on leur apprenne les scènes les plus vivantes, les plus majestueuses de la Bible et de l'histoire de l'Église, que ces enfants y sentent la puissance et l'amour de Dieu, et qu'on leur montre aussi à chercher cet amour et cette puissance dans les spectacles de la belle nature, la nature, ce livre de Dieu, ce livre où il nous faut lire son nom à chaque page. L'instruction religieuse et les notions très élémentaires des sciences physiques formeront la substance de ce petit enseignement primaire. C'est surtout à l'époque de la première communion que le sens du divin se lira plus facilement dans l'âme de la jeune fille, à toutes ses études, à tous ses actes. Quelle lumière dans cette jeune âme que possède Dieu! Mais après ces jours bénis vient une période que l'on a si bien nommée l'âge ingrat. Avec une délicatesse vraiment maternelle, l'évêque donne ici les moyens de combattre la personnalité inquiète et agitée qui se manifeste à cet âge et qui peut faire perdre les fruits divins de la première communion. Pendant cette période si difficile, c'est avec un redoublement de tendresse que la mère ou l'institutrice doit s'adresser à la jeune fille. Plus que jamais, elle la fortifiera par le plus aimable langage de la raison et la consolera par la douce influence de la piété. Plus que jamais aussi, elle évitera que l'instruction soit mécanique, que sa parole vivante, aimante et chaleureuse fasse sentir à l'élève la présence de Dieu dans chaque branche de l'enseignement, que l'engourdissement sensitif, si menaçant alors, soit combattu par la pleine vie de l'âme. Et quand la jeune fille aura révolu sa 15e année, que l'horizon se développe encore pour elle plus radieux et plus beau, que l'histoire, les lettres et plus tard la philosophie, dans de certaines limites, montre à l'adolescente comment Dieu gouverne les peuples et comment le verbe inspire les intelligences. C'est alors que l'on doit étudier les goûts de la jeune personne et favoriser le penchant qui l'entraîne vers une étude particulière. Si aucune prédilection ne se manifeste à cet égard, si la jeune fille a sous ce rapport l'insensibilité de la pierre, alors nous dit l'évêque qu'une maîtresse approche de ce bloc avec feu elle-même plusieurs spécialités l'une après l'autre en multipliant les essais. Il s'en trouvera quelqu'une qui réussira. Si l'étincelle a jailli, le feu sacré est allumé. Cette expérience peut même se faire plus tôt, mais seulement, ajoute l'évêque, après la première communion de la jeune fille, parce que dès ce moment, tout tient en elle à la racine du divin, et que la raison illuminée par la foi donne à ses élans un sûr point d'appui. Dans le soin avec lequel Monseigneur d'Orléans cherche à connaître et à favoriser la vocation intellectuelle de la jeune fille, on reconnaît la méthode qu'il appliquait à l'éducation des hommes. Loin de comprimer les âmes sous une règle uniforme, il veillait à ce que chacune d'elles se développât dans le libre épanouissement de ses facultés natives. Divers sont les parfums des fleurs et diverses les saveurs des fruits. Tel est l'ordre providentiel. Pour Monseigneur d'Orléans, l'éducation est bien réellement la continuation de l'œuvre divine dans ce qu'elle a de plus noble et de plus élevé, la création des âmes. Aussi, combien l'évêque se sent attiré vers ces enfants gais, ouverts, impétueux, même qui, d'ordinaire, sont la terreur des maîtres, mais dans lesquels l'éducateur de génie reconnaît avec joie cette vie puissante qui, bien dirigée, donnera aux luttes du bien un combattant de plus. Parmi les petites filles, aussi bien que parmi les petits garçons, Monseigneur Dupanloup nourrissait pour ces caractères-là une tendresse particulière. Par l'expérience qu'il avait pu faire sur lui-même, il savait ce qu'il y a de généreuses promesses dans ces riches natures et quels fruits divins elles peuvent produire. Soucieux de conserver à la jeunesse la spontanéité de ses meilleurs instincts, l'évêque veut que l'on respecte jusqu'à ces belles illusions que l'expérience de la vie fera tomber d'elle-même. Vous ne pourrez jamais, malgré vos leçons et votre tendresse, épargner à votre enfant toutes les douleurs d'une espérance trompée, d'une illusion évanouie. Eh bien, laissez-la donc jouir de cette joie pure de la jeunesse, s'enivrer de ce parfum d'espérance qu'exhale devant elle l'avenir. Souriez si vous le voulez, de ce sourire mélancolique qui est celui d'un âge où l'on sait plus et mieux, parce qu'on a vu et souffert davantage. Mais si ces illusions, cet enthousiasme, cette exaltation même ne portent que sur le bien et le beau, si à côté de l'imagination le cœur s'est développé avec plus de force, si le jugement s'appuie sur la vérité, si l'esprit a reçu l'instruction convenable, et si l'âme travaille à devenir forte par la pratique de la vertu, ne craignez rien pour votre fille, et encore une fois laissez-la jouir et respectez sa joie. C'est l'oiseau qui, fier de ses plumes nouvelles, bat des ailes comme pour s'élancer dans l'espace, mais qui bientôt, effrayé de sa faiblesse, se blottira dans son nid et s'y cachera sous l'aile maternelle. C'est une époque admirable dans la vie que celle où la jeune fille, enfant de la Vierge Immaculée, aime Dieu dans la céleste pureté de son âme, et où elle voit pleinement en lui le principe de toutes les connaissances intellectuelles, aussi bien que de toutes les vertus morales. Comme le dit l'évêque, elle jouit alors de la béatitude des cœurs purs, qui est de voir Dieu. C'est là le magnifique résultat de l'éducation, qui s'appuie sur la raison éclairée par la foi. Mais cette foi ne doit pas demeurer à l'état de principe, il faut qu'elle soit pratique. Déjà en suivant la jeune fille dès le berceau, l'évêque avait dit quelques prières, quels exercices de piété conviennent à tel ou tel âge, et comment cette piété peut et doit aider aux études des enfants et combattre les défauts de ceux-ci. Mais l'illustre prélat consacre particulièrement les trois dernières de ses lettres sur l'éducation des filles à définir ce que doit être la piété dans une maison d'éducation. Ce qui manque surtout, même dans les bons pensionnats, ce sont les bases solides de la vraie instruction chrétienne, et par conséquent les bases solides de la vraie piété. La religion est l'objet d'un cours à peu près semblable aux autres, et qui généralement fatigue l'esprit de la jeune fille, alors qu'il devrait saisir son intelligence et enflammer son cœur. Et quant à la piété, l'évêque d'Orléans s'est plus d'une fois élevé avec les maîtres de la vie chrétienne contre cette dévotion mal comprise où la lettre tue l'esprit. En s'adressant un jour aux femmes du monde, il leur disait « Et parmi les femmes chrétiennes, laissez-moi, mesdames, vous le dire. » Il y en a trop de telles que le monde nomme des dévotes, et qui veut dire des personnes qui mettent leur piété plus dans l'extérieur que dans le fond de l'âme et de la vie, plus dans les formules que dans les œuvres. une telle dévotion n'est pas la vraie, elle manque de solidité. Et loin d'être pour l'âme, comme l'est la vraie et solide piété, un heureux développement, d'où résulte une admirable fécondité d'œuvre et de vie, elle la rétrécit plutôt, ne la féconde en rien, n'empêche pas la vie d'être vide, et ne sauvera pas la femme qui s'annule ainsi des sévérités de l'Évangile, contre les serviteurs inutiles. Que dis-je ? Avec une telle et si pauvre vie, la piété elle-même n'est pas en sûreté. Et si de grandes chutes ne se rencontrent pas, c'est peut-être que l'occasion ne s'est pas présentée. La piété doit tout élever et tout ennoblir dans l'âme. Mais peut-elle être vraiment dans une vie où les pratiques extérieures seraient tout, et le travail de l'âme sur elle-même, rien ? Non, ni les formules de prière ne peuvent suppléer aux sentiments du cœur, ni les pratiques extérieures de dévotion, surtout les pratiques surérogatoires, aux actes obligés, aux œuvres, aux devoirs. En effet, c'est une prière morte que celle qui ne suit pas l'effort courageux, qui corrige les défauts et qui dompte les passions. La vraie piété ne consiste pas à cueillir sans peine sur la route de la vie les fleurs que l'on offre à Dieu. La vraie piété ressemble à ces instruments de labour qui sarclent les mauvaises herbes ou qui déchirent la terre, dont le sillon produira le bon grain. Alors la piété est encore un travail, celui qui extirpe le mal et féconde le bien.